malheur d'autrui laisse indifférent lorsqu'on est soi-même. Oulutuba de moto à volcan 12600 volts, Jojo Mandik, Marengos Nassimo Belvedere. Profa, Yoga Misapi, Group Iliata, Maf Petroleum. Ah, bah oui, ça suffit. Toka Lisaka, Vivimbo, Naïda Gianze, Les Combo, Firo Nyema, Jules Miselele, Mabalou, Yaki, Abi Mounga, Mawato, Papa Chilisi, Egoa. Mes amis, Namo Kolona Kowa. Kalinga mokolo na kokufa ngai mwana Kolidanga na mongongo oyo ya makasite Na volote na binombo simba loboko na motema Wana elembo oyo ya mawa ponanga Iwa ya mawa e na moto oyebi Iwa ya somo e na moto yolimaka Yesu kisaka motema kosa na misala mabe Yagistambo e Papa le Rome de l'Agnonce. Mes amis, n'a mon colonna koa. Manina mon colonna kokufa, n'a imwana. Mole la mana mon bongo yo ya makasite. Na volonté na pino, simba le boko na motema. Wana ele moyo ya mawa ponanga. Liwa ya mawa e, na moto koyebi. Liwa ya somo e, na moto yo lingaka. Yesu kisaka motema, posa na misala mabe Lina lala, bayamba kalango mokonzi Yango pebe lelaka mokonzi Yango pebe lelaka darote mkuta Yango pebe lelaka luambo mkiyadi Yango pebe yambe laka rwasole Zete yambila Lina lale kope paka bisombo Yeah, why? Mato ya koko pesa na mwala ya Jean-Jacques Bois, petit frère propre dans Montréal. Oui, ma copa moti.